Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Travailleurs immigrés aux origines d'un combat politique. En 1975 paraît un petit livre, un livre juridique pour les travailleurs, publié par le collectif d'alphabétisation, un groupe d'information et de soutien des immigrés. Un guide qui a vocation d'aider dans les démarches juridiques ces travailleurs immigrés, conditions de séjour et de travail, comment lutter contre les expulsions pour l'égalité complète des droits de tous les travailleurs en France. Il y a un petit guide, c'est sûr. Il y a la radio aussi. Vous êtes sur Radio Soleil, radio interculturelle pour toute l'immigration et tous les autres. Alors, je lance un appel à tous les amis et les frères qui nous écoutent pour nous téléphoner au 606 15 68 pour nous faire part de leurs témoignages, pour ceux en tout cas qui ont vécu les événements d'Algérie en 61 et en particulier la manifestation dans laquelle il y a eu beaucoup de morts de nos frères. Nous allons commencer donc à recevoir vos appels et vos témoignages par rapport à cette fameuse manifestation d'octobre 1961. Un extrait de Radio Soleil en 1981. Bonjour Naïma Huberiaï. Bonjour. Déjà, on peut rappeler qu'est-ce que Radio Soleil ? Radio Soleil, goutte d'or. C'est une radio portée par des militants, travailleurs immigrés plutôt maghrébins, mais pas que. Ici on entendait la voix de Mokhtar Bachiri, on aurait pu entendre Saïd Bouziri et bien d'autres qui vont porter des mouvements sociaux et aussi s'inquiéter de la question de la prise de parole du point de vue politique et aussi médiatique. Et Radio Soleil, dans ses premières radios, on va dire post-libéralisation des ondes, va être la voix de l'immigration, va faire entendre de la musique mais aussi des reportages. En 1981, Radio Soleil évoque les événements de 1961. Ce moment du début des années 1960, pour cette histoire qui nous intéresse, celle des travailleurs immigrés en France, est très important. Mais juste avant, comment ça se passait d'ailleurs? Parce que l'Algérie était française, on pouvait venir travailler en France sans aucun souci? Alors, vous me parlez de 61? Avant 61, ouais. Écoutez, 62. Techniquement, l'Algérie était encore française jusqu'à l'autodétermination et à l'indépendance de l'Algérie à l'été 62. Nous l'avons commémoré cette année pour ce 60e anniversaire. Mais dès le début des années 80, comme on l'entend ici, il y a une revendication d'histoire et de mémoire, notamment de cette nuit noire du 17 octobre 61. Ces jalons coloniaux vont faire partie des revendications des travailleurs immigrés qui se battent pour leur dignité et pour leur droit de séjour. Et je pense que on ne peut pas comprendre ces mouvements sociaux si on ne s'intéresse pas très vite et très tôt à leur demande de prise de parole, leur demande de récit collectif, de récit intime, pour faire aussi histoire de France. Oui, parce que cette histoire-là, elle a des jalons, on l'entend bien. Il y a ces dates, 1961 pour ces événements dramatiques, 1962 les accords d'Évian, c'est l'indépendance de l'Algérie, mais c'est une histoire beaucoup plus longue parce que le travail immigré en France, venu de l'Afrique du Nord, bah, ça date de bien avant. Oui, on a les premiers contingents fin du 19e siècle et surtout à partir du fait militaire, puisque la conscription de 14-18 va faire venir de manière massive des soldats coloniaux, dont des soldats d'Afrique du Nord, mais aussi ce qu'on appelait alors les tirailleurs sénégalais. Le film d'Omar Sy, que Omar Sy incarne en ce moment, en témoigne. Je dirais simplement que cette immigration coloniale et ensuite postcoloniale, c'est elle qui va interpeller l'opinion publique après la Seconde Guerre mondiale et surtout après les indépendances des pays, j'allais dire, d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire et des territoires d'Asie du Sud-Est. On est vraiment dans une séquence où il y a un détachement entre les groupes importants, comme les Portugais, qui sont l'immigration la plus nombreuse dans les années 70, les Espagnols, les Italiens, qui sont encore très nombreux, et une immigration extra-européenne, et cette distinction est importante puisqu'elle va rester jusqu'à aujourd'hui, d'une immigration de masse pour les années des Trente Glorieuses, qui, elle, va être le paradigme de l'immigré à partir des années 70. Et oui, il faut reconstruire la France. Et avec nous pour parler de ces travailleurs immigrés dans le cours de l'histoire, Choukri Med, bonjour. Bonjour. Bah oui, parce qu'il faut reconstruire la France. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a un appel de travailleurs. C'est un appel, je le dis bien. Il y a une volonté de faire venir les gens. Absolument, il y a une volonté de faire venir ces travailleurs, d'abord coloniaux, comme vous l'avez mentionné, jusqu'en 1962, en tout cas pour l'Algérie, jusqu'en 56 pour la Tunisie et puis pour le Maroc et pour d'autres pays donc de l'Afrique de l'Ouest. Un appel qui est régulé bien sûr par l'État très fortement puisque on crée l'Office national de l'immigration en 1945 pour rendre un peu ces flux beaucoup plus maîtrisés, pour effectivement donner l'impression que on ne fait pas venir les gens n'importe comment. Et c'est important cette création. En même temps, ce que montrent tous les travaux sur l'immigration, c'est que en réalité, la régulation ne va pas se faire aussi durement, et que c'est plutôt les entreprises, toutes les entreprises qui vont bien sûr participer à cette reconstruction et qui vont avoir besoin d'une main d'œuvre non qualifiée, docile et bien sûr à bas prix, qui vont prendre le dessus à tel point que l'entrée sur le territoire national sera grandement facilitée jusque dans les années 70. Oui, hein, il y a une régulation parce que on l'évoquait, l'Algérie est française jusqu'en 1962, en tout cas, c'est présenté comme tel. Et ce n'est pas évident pour un travailleur venu d'Algérie de traverser la Méditerranée et d'aller travailler en France. D'accord, c'est le même pays, selon le dire, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce qu'on n'a pas prévu de les accueillir. Déjà, vous évoquez la guerre d'Algérie, l'immigration vers la métropole coloniale, puisque c'est encore la France, elle va doubler entre le début et la fin du conflit parce qu'il y a des regroupements, il y a des violences. Il y a une paupérisation, une population d'Algérie. Et donc, ce qu'on appelle encore les Français musulmans depuis 1947 et de toute façon indigènes, répondent à ces besoins de main-d'œuvre et s'entassent dans les bidonvilles des bassins d'emploi. Ils ne sont pas les seuls. Choukri l'a rappelé, ce laisser-aller administratif avec une loi qui n'est pas mise en œuvre réellement, cet appel d'air de main-d'œuvre, concernant les Algériens, il fait l'objet d'abord d'une libre circulation, puis d'accords de main-d'œuvre. À plusieurs reprises, 64, 68, etc. C'est la même chose pour le Maroc, pour la Turquie et pour d'autres diasporas. Ce qui est intéressant au tournant des années 70, c'est que des affaires de taudis qui brûlent et qui tuent des travailleurs émigrés dans des chantiers, des affaires de non-cohabitation pacifique, si j'ose dire, avec des hôtels meublés misérables, défraient la chronique, des ratonnades, des crimes racistes se multiplient, des tensions sur le marché de l'emploi se font jour bien avant le choc pétrolier de 73. Donc au tournant des années 70, on réfléchit, et le gouvernement Chaban-Delmas réfléchit à mettre en œuvre une nouvelle législation. Et là, on peut citer les circulaires de l'hiver 72, Marcelin Fontanet, qui vont durcir et qui vont essayer de rendre réelles les contraintes, puisqu'à l'époque, il n'y a pas un titre de séjour unique, comme aujourd'hui, de 10 ans, qui ne sera obtenu qu'en 84, mais bien une carte de travail et une carte de séjour, un titre de séjour, et les deux vont être corrélés. Si on n'a pas un emploi avec un contrat de travail d'une année et un logement décent, on se retrouve dans l'irrégularité. C'est ce qui va être le cas de plus de 80% de ces travailleurs immigrés à partir de ces circulaires, d'où les mobilisations qui vont se cristalliser dès cette année 72, avant même qu'éclatent des bouffées racistes, à la rentrée de septembre 73. Et nous y reviendrons. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein. C'est la construction d'un combat. Construction d'un combat qui, bien sûr, s'inscrit dans une histoire beaucoup plus large. À partir de 1962, si on réfléchit au cas algérien, en fait, ce sont des accords entre États, donc entre la France et l'Algérie, puis ça se développe un peu partout, c'est ça, Choukri Maïd ? Oui, c'est ça. Effectivement, je crois que ça a été dit, mais le cas algérien est un cas qui, ou plutôt l'immigration algérienne, et comme le dit le grand sociologue de l'immigration Abdelmalek Sayad, un cas paradigmatique qui permet de penser l'immigration en France pour un tas de raisons effectivement historiques, du fait de la place de l'Algérie, de la colonisation française en Algérie, des liens qui vont se tisser pendant plus d'un siècle, et de sa place symbolique aussi quant à la présence en fait de ce qui va être pensé très très rapidement, c'est-à-dire au tournant du XXe siècle, comme une présence finalement problématique, c'est-à-dire comme le disaient vos invités avant-hier, Delphine Diaz et Nancy Green, finalement les nouvelles immigrations sont toujours assez mal perçus, les migrations, les nouveaux immigrés sont les mauvais par rapport aux plus anciens que sont les immigrations européennes. Et dans le cas de l'immigration algérienne qui va prendre effectivement le dessus sur les autres immigrations à partir des années 60, un ensemble de elle va conjuguer finalement cette immigration à un ensemble de caractéristiques. Le fait qu'elle soit arabe, le fait qu'elle soit kabyle, le fait qu'elle soit non catholique, le fait qu'elle soit musulmane, qu'elle soit non qualifiée et que elle soit surtout ex-coloniale. Et en réalité, c'est ce qui va d'ailleurs poser un tas de problèmes dans les relations entre la France et les ex-pays colonisés, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb, avec lesquels la France va signer tout un ensemble de contrats. Mais ça, c'est quelque chose que Paul-André Rosenthal a très bien renseigné tout au long du 19e siècle, la tradition de régulation bilatérale, finalement, des migrations, puisque c'est un enjeu entre États. Quels émigrés tu prends et quels immigrés tu es en mesure de m'assurer, quels sont les droits sociaux, les droits civiques également que les États vont accorder à leurs citoyens dans chacune des configurations. Tout ça, il y a une longue tradition de négociation et de diplomatie, et qui là le caractère nouveau, c'est qu'il devient, comme le disait Naïma, extra-européen à partir finalement des années 60. Naïma Hubériaï, oui, effectivement, là, de ce que nous entendons, il y a des contrats, il y a des discussions, il y a quelque chose de réfléchi pour cette immigration. En fait, le combat naît du fait que ce n'est pas respecté. C'est, au-delà de respecter, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements ouvriers immigrés sont dissidents par rapport au pays d'origine. Les représentations consulaires, et notamment l'Amicale des Algériens en Europe, ou la représentation marocaine et tunisienne, voient d'un très mauvais œil ces rouges que sont les ouvriers qui osent faire du grabuge en France. Je vous donne un exemple juridique. Dans la constitution algérienne, donc, qui s'établit en 1976, il est écrit noir sur blanc que la vocation de l'émigré, c'est de rentrer dans son pays. Donc cette fable du mythe du retour et de ce devoir qu'a l'émigré algérien de rentrer en Algérie ne correspond pas, à la demande d'égalité, de droit, de logement, de regroupement familial. Et j'y reviendrai, puisque quand on a fermé les frontières en 1974, après des bouffées racistes très très violentes qui vont viser notamment des travailleurs algériens ou même le consulat d'Algérie à Marseille, on a d'abord l'Algérie qui ferme la frontière et ensuite, plus largement, le président Valéry Giscard d'Estaing, dans les premiers mois de sa fonction, qui ferme cette frontière imaginaire des flux migratoires. Les Portugais, qui étaient très nombreux à l'époque, qui fuyaient Salazar après la révolution des œillets, remettent en cause également aussi cette arrivée régularisée a posteriori de cette main-d'œuvre portugaise. Et dans le cas des Maghrébins, plus largement, on a cette situation où des opposants marocains à Hassan II, des opposants au pouvoir algérien de Boumediene, ou même des étudiants tunisiens qui sont les plus nombreux à être concernés par les arrêtés d'expulsion. Je pense au regretté Saïd Bouziri, qui va être central dans le propos de nos échanges ce matin, puisque cet étudiant tunisien qui était déjà très agité, qui accompagnait les mouvements immigrés bien avant d'être lui-même faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, dans le cas des circulaires Fontané et Marcelin. En 1972, va faire l'objet dès l'hiver 72, une mobilisation autour d'une grève de la faim qu'il va entamer avec son épouse Fawzia, qui est enceinte de leur fille. Et cette grève de la faim qui va être portée au sein même du quartier immigré de Barbès à Paris, va faire l'objet d'un soutien bigarré de l'extrême gauche, de chrétiens de gauche, d'intellectuels comme Sartre ou Foucault, et va émouvoir au point que un comité de soutien de Saïd Bouziri va être peut-être la première incarnation organisée et autonome de travailleurs immigrés pour le soutenir. Il bénéficiera d'un sursis et d'un titre de séjour qu'il devra renouveler dans un premier temps tous les 15 jours. Les autorités estimant voir s'étioler ses soutiens, ce qui n'a pas été le cas. Il n'aura un titre de séjour ferme qu'à partir de 82 et ensuite une carte 84, un titre de 10 ans. Mais ces étudiants et travailleurs tunisiens qui vont aussi faire la grève de la faim à Valence en 73, qui vont aussi déclencher une forte mobilisation et ensuite toutes les grèves de travailleurs arabes, parce qu'on est dans un contexte de panarabisme et de soutien au peuple palestinien. Ces étudiants et ces travailleurs ont été des militants au sein des comités Palestine avant de fonder le mouvement des travailleurs arabes. Et c'est cette matrice pan-arabe, si vous voulez, avec effectivement des ressortissants algériens, tunisiens et marocains, qui va porter un certain nombre de revendications et de mobilisations qui vont soit être adossées à la CFDT, aux églises, qui ont bénéficié encore à l'époque du droit d'asile pour ces grèves de la faim. Et cette spécificité des grèves de la faim, on va les retrouver jusqu'au début des années 80 avec leurs enfants, ce qu'on va appeler les beurs, qui vont aussi arrêter de s'alimenter contre les expulsions de ce qu'on va appeler les concernant la double peine. Donc cette arme du pauvre que va être la grève de la faim va émailler les conflits sociaux des années 70 et des années 80. Important ce mot de matrice, parce qu'au moment de réfléchir à un combat politique, bon, bien sûr, les gens voient ce qui se passe autour d'eux, mais ils sont héritiers surtout d'une longue histoire. On se réveille pas un matin en disant « je vais faire le combat politique ». Ce que vient de dire Naïma Uberyahi, c'est vraiment cela, c'est-à-dire que déjà avant de partir, il y avait une politisation, en tout cas un discours politique, une pensée politique. Oui, c'est vraiment très important ce que vient de rappeler Naïma sur finalement la construction de une identité politique ou d'identité politique au pluriel dans l'immigration, et notamment en rappelant toujours que cette immigration, eh bien, comme le dit Abdelmalek Sayad, elle vient toujours. Le propre de l'immigration, il dit, c'est qu'elle vient toujours perturber l'ordre national. Et on le voit tout à fait du point de vue de la société dite d'accueil, la France, puisque effectivement, c'est pas avec les émigrés ou les émigrés algériens ou arabes que on va que l'administration, que le champ politique, que le champ administratif vont penser. La surveillance de ces immigrés. Finalement, depuis le début des grands mouvements de population au XIXe siècle et avec la construction de l'État-nation, finalement, il y a la mise en place de techniques de surveillance des Prusses, des Polonais, des Belges, des Italiens sur le territoire français, et qui sont toujours soupçonnés finalement de défaut de loyalisme à l'égard de l'État-nation, à l'égard de la France, mais aussi, comme le rappelait Naïma dans le cas algérien, mais c'est valable pour tous les pays, dans le cas des sociétés d'émigration. Donc, cette surveillance, c'est le cadre contraint de cette forme de politisation auquel ces immigrés vont progressivement, eh bien, d'une certaine manière, s'accoutumer, mais aussi essayer de subvertir. Et ils sont politisés alors de différentes manières, bien sûr. On entend la politisation non pas seulement comme une forme d'acquisition d'une compétence politique qui permette de positionner sur une échelle gauche, sur un axe gauche-droite, ou sur la connaissance des partis. C'est des choses très simples que vous avez mentionné tout à l'heure, le fait de savoir si avant l'indépendance de l'Algérie, les Français musulmans, comme on les appelait à partir de 47, étaient libres de circuler. Pas du tout. Évidemment que la puissance coloniale ne voyait d'un très mauvais œil ces circulations qui justement remettaient en cause l'établissement de frontières, la souveraineté de l'État. Et en cela, les façons dont elle administrait les populations indigènes, dites indigènes, coloniales en Algérie, disait beaucoup de choses de l'ordre politique dans lequel ils vivaient. Donc la lutte, les luttes pour la décolonisation, pour l'indépendance, même si ces immigrés n'y ont pas toujours participé directement, finalement, c'était le cadre politique dans lequel et historique dans lequel ils existaient et dans lequel ils vivaient. Et Abdelmalek Sayed, je le redis, mais il dit une chose très très très juste qu'on oublie encore aujourd'hui. Les immigrés sont aussi avant tout des émigrés. L'immigration, c'est un voyage, c'est un déplacement, et ce déplacement, c'est le déplacement d'hommes et de femmes en chair et en os, avec leur disposition sociale, avec leur histoire, avec leur trajectoire, et cette trajectoire, elle ne commence pas au moment où ils mettent le pied sur le territoire national, mais bien, ils ont une existence avant dans le pays d'origine. Et quand ils arrivent sur le territoire national, donc la métropole, souvent l'ancienne métropole après 1962 dans le cas algérien, eh bien, il y a tout à reconstruire parce que ce bagage venu de ses origines, il faut qu'il se développe dans un nouveau contexte. Pour moi, la langue française, c'était pas pour moi... Étant donné que j'ai connu des Français en Tunisie, etc., j'imaginais que quand je venais, que c'était la même chose, comme les petits camarades français qui sortaient avec moi, qui me fréquentaient jouer au football avec moi en Tunisie. Mais quand je suis arrivé à Marseille, j'ai vu cette solitude autour de moi, les gens qui passaient sans vous regarder. Et moi, j'étais habitué dans mon pays, quand je sors le matin, je salue les gens. Les gens me saluent, je dis bonjour, même si je ne les connais pas, vous savez. Et sincèrement... Déjà, ça a été une autre vie pour moi. Je me suis dit que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Je vous dis sincèrement, au début, quand je travaillais sur chaîne à la régie Renault, je n'aimais pas Renault. Je savais que j'avais besoin d'elle. Ce n'est que quelques années plus tard, quand j'ai eu la chance de prendre du cours du soir et d'évoluer et de me faire une meilleure situation, que je suis tombé amoureux de Renault. Et je crois qu'elle aussi, elle est tombée amoureuse de moi parce qu'elle me le rendait bien. Témoignage dans le film documentaire Mémoire d'immigrés, l'héritage maghrébin en 1997, un film de Yamina Benguigui, Naïma Huber-Yahi. Dans ce témoignage, il y a cette solitude qui est évoquée pour un combat politique. Il faut savoir se regrouper, discuter. Comment s'est-il construit ce combat des travailleurs immigrés? Où se sont-ils retrouvés? Alors, déjà, il y avait des espaces de relégation qui deviennent des espaces politiques. On a évoqué la mémoire du bidonville de Nanterre. Tout à l'heure, on parlait de Barbès, Goutte d'Or. On aurait pu parler de La Chapelle ou d'autres quartiers, de la rue des Chapeliers à Marseille, de la place de la Guillotière à Lyon, du quartier d'Oisem à Lille, etc., etc. Il y a des espaces dédiés. Il y a parfois des lieux de relégation. Je me permettrai pas de parler de Foyer Sonacotra devant Choukri sans l'interpeller là-dessus, parce qu'on a des espaces spécifiques. Mais aussi, ce qu'on entend dans le témoignage de cet ancien ouvrier à la chaîne, c'est qu'il y a une distance culturelle. Il y a des imaginaires qui posent problème. Choukri l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'on a un regard sur le problème, entre parenthèses, immigré, qui va se cristalliser dans les années 70, qui va se conceptualiser. Il y aurait une incapacité, on ne perçoit pas que ces populations restent et doivent rester, et on ne voit pas non plus leurs enfants naître sur le territoire national. Et ce que je trouve intéressant dans votre question de se regrouper, c'est d'abord cette rencontre entre les étudiants et les ouvriers, qui vont se faire parfois sur l'établi, si j'ose dire. On est dans la séquence post-mai 68, on va au contact des ouvriers, on s'établit en usine, on va à la rencontre, on éduque les masses. Je pense que ça a été une réalité dans le phénomène de l'émergence du nationalisme anticolonial dans l'entre-deux-guerres. Quand il y a cette convergence des luttes entre ceux qui ont reçu une instruction, qui vont être parfois leaders dans des mouvements sociaux, et ceux qui ont une culture d'activistes politiques et de militance, soit pour le fait de la décolonisation, soit pour le fait des droits, on a ces espaces en commun. Mais là où c'est très fort, c'est qu'il y a une vraie ingénierie, une vraie communication, une vraie presque propagande qui va se mettre en place de manière autonome. Des tracts, parfois bilingues ou trilingues, des fanzines, des journaux, des quatre pages. Je pense à l'Asifa du mouvement des travailleurs arabes, même des radios cassettes, mais au sens propre du terme, avec des petites cassettes qui éduquent les masses pour qu'elles se mobilisent pour leurs droits. Et donc, ce marketing politique des travailleurs immigrés, il va trouver une autre forme dans les années 80-90, et sans aller trop loin dans la chronologie. Il n'y a pas aujourd'hui de musée national de l'histoire de l'immigration s'il n'y a pas 40 ans de lutte, notamment du mouvement des travailleurs arabes, pour obtenir un musée qui met en récit cette participation de l'immigration à l'histoire de France. Et moi, je m'interroge sur la non-postérité de cette réalité. Nos auditeurs ne savent pas, en écrasante majorité, qu'un musée national d'histoire de l'immigration existe, parce que des travailleurs immigrés, majoritairement arabes, portugais, pour certains yougoslaves, se sont mobilisés pour un musée de l'histoire de l'immigration. Il n'est pas né de nulle part. Aussi vrai que les mouvements sociaux ne sont pas nés de nulle part. Un musée de l'histoire de l'immigration, c'est à Paris, hein, c'est le palais de la Porte Dorée. Ben, dans les archives ou dans les choses à exposer dans un musée, parfois il y a tout simplement une cassette. Je passais dans la rue. Si tu veux partir en Europe, travailler, surtout la France. Si tu ne veux pas là-bas les gens qui soient racistes, il faut parler leur langue. C'est pour ça que moi, le Qaïd m'a dit qu'il faut parler le français. Alors j'ai appris, je parle. Cassette, Radio Racifa, 1975. Il a raison, mais les machines, il a raison. Alors, je passais dans les rues du village. Le village. Vous connaissez Mohamed, Le fils de Qaïd. Oui, son père, il est Qaïd. Moi, je l'ai lu. Mon père, il est paysan. On l'a fait comme ça. On l'a enlevé sa terre, c'est pour le roi. Il est pauvre, le roi. Et moi, j'étais dans un lycée. On m'a foutu dehors. Et Mohamed, fils de Qaïd, comme d'habitude, il est maintenant à la faculté, comme tous les fils de Qaïd. Il fait la médecine, le tbib, docteur. L'autre fois, je marchais dans la rue, comme ça. Comme d'habitude, sur le chemin de la maison, le café. La maison, le café. Comme tous les Marocains au chômage. Alors ça, c'est une radio, mais sous forme de cassette. Hein. C'est à Sifa. On peut le retrouver hein, dans la série LSD, la série documentaire de France Culture, une histoire du mouvement des travailleurs arabes d'Ager Ben Boubaker. Et c'est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était marrant, ça, c'est ces cassettes que vous évoquiez, Naïma Uberiaï. Ces cassettes qui, je vous le disais, ils avaient pensé à une forme d'autonomie tout de suite culturelle, intellectuelle et d'éducation des masses. Aussi vrai qu'il y avait du théâtre dans les années 20 et 30 pour éveiller à la personnalité algérienne, marocaine ou tunisienne les ouvriers, toujours fer de lance du nationalisme. On a la même matrice culturelle d'agitprop pour éduquer les masses immigrées et leur dire que leur sort est lié à des discriminations, qu'ils ont des droits et ils doivent se mobiliser pour la dignité et donc des grèves de la faim, des mobilisations. Là, vous avez Radio El Asifa. Plus tard, vous aurez le festival de théâtre des travailleurs immigrés de Puteau, qui seront les premières scènes où on retrouvera des pièces comme Immigrés, ça travaille et ça ferme sa gueule. Vous voyez, tout un programme. Cette matrice théâtrale, musicale, on la retrouvera chez les enfants d'immigrés qui feront la même chose. On va appeler ça le théâtre beurre. Et plus tard, dans les années 80, les mêmes du mouvement des travailleurs arabes qui produisaient ces cassettes vont fonder un hebdomadaire de l'immigration qui s'appelait Sans frontières. Qui va être donc un hebdomadaire qui va couvrir, on va dire avec un point de vue tiers-mondiste et altermondialiste, on dirait aujourd'hui, sans être anachronique pour l'époque. Et cet hebdomadaire de l'immigration va préfigurer cette prise de parole, va lire l'actualité à l'aune de ces travailleurs immigrés et va être témoin de ce qu'on va appeler la fin de l'immigration pour le passage à la diaspora. Et cette diaspora, ces Français issus de l'immigration qui, elles-mêmes, va se mobiliser pour ses droits. Et c'est ces mêmes acteurs, je pense par exemple à Driss Eliazami, qui est aujourd'hui un haut dignitaire des droits de l'homme au Maroc, mais qui a été pendant plus de 40 ans au cœur de cette mobilisation du mouvement des travailleurs arabes, et qui va être celui qui va écrire le rapport avec le Conseil d'État Rémi Schwartz pour un musée de l'histoire de l'immigration en 2001. Et c'est le choc du 21 avril qui va voir donc Jean-Marie Le Pen, candidat de l'extrême droite au second tour de la présidentielle, qui va convaincre le président Chirac, élu suite à ce cataclysme, de mettre en œuvre ce musée confié à son fidèle compagnon de route, Jacques Toubon. Et ça, cette ligne tendue du mouvement des travailleurs arabes on oublie que Dressel et Zamy étaient expulsés en 1975 pour trouble à l'ordre public, lui-même qui était dissident au Maroc. Donc ces trajectoires politiques, sur le temps long, nous leur devons beaucoup aujourd'hui dans ce qui est en jeu quand il s'agit de mettre en récit l'histoire et la mémoire de l'immigration, mais surtout la mémoire de ces luttes. Oui, la mémoire de ces luttes, parce que ce sont vraiment des luttes, hein. On le sent, c'est un combat. Ce mouvement des travailleurs arabes, il naît quand ? Il naît au tournant des années 70, on peut le situer autour de 72, et notamment des mobilisations autour de Saïd Bouziri, mais la matrice, c'est les comités palestiniens, et ensuite, ça prendra diverses formes dans les mobilisations. Je pense que, peut-être Choukri peut-être pourra nous éclairer là-dessus, mais je pense que le mouvement des grèves dans les foyers Sonacotra rencontre la dynamique portée par le MTA. Oui, parce que parmi les lieux où il y a diffusion d'idées et discussions, l'usine, c'est très important, les quartiers les uns les autres, des bidonvilles parfois, et puis il y a ces foyers Sonacotra. On peut rappeler, Choukri Metz, ce que c'est d'ailleurs un foyer Sonacotra ? Oui, ces foyers qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de foyers Adoma, qui existent toujours, hein, qui ont été créés dans les années 50, en 1956 précisément, donc au cœur vraiment de la guerre d'Algérie, et créé la Société Nationale de Construction des Logements pour les Travailleurs Algériens et leurs familles. C'est comme ça qu'a s'appelé la société jusqu'en 1963, Sonacotral. C'est donc l'idée, en fait une idée que le gouvernement pense à Bakou, hein, autour de tout ce qui s'est passé justement en Algérie à partir du 1er novembre 54. Comment faire adhérer davantage ces Français musulmans au projet colonial ? Eh bien, c'est comme on l'a dit, une solution assez économique qui est pensée pour mieux accueillir ces Français musulmans en France, en métropole, et donc construire pour eux dans l'immédiat après-guerre, une dizaine d'années plus tard, eh bien des solutions voilà de logement qui permettent deux choses, qui permettent d'abord de leur montrer que l'État français pense à eux et investit dans l'amélioration de leurs conditions, principalement dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, et dans ces métropoles. Et deuxièmement, ça permet aussi de les regrouper, mais en les regroupant, bien sûr, tout en les surveillant. Parce que, comme on l'a vu et comme vous l'avez dit, comme vos invités l'ont dit aussi lundi, une des grandes questions concernant les immigrés et leur présence sur le territoire national, c'est la question de la mesure de leur loyauté à l'État national. Est-ce que ils sont venus là pour travailler uniquement et si possible pour rentrer le plus vite possible chez eux une fois le travail achevé ? Ou s'ils sont venus ici pour propager des idées subversives, éventuellement fomenter des guerres, des conflits, des attentats. Et dans le contexte de la guerre d'Algérie, bien entendu, la présence algérienne en France, des musulmans d'Algérie, est conçue par les responsables politiques comme un problème. Et un problème, c'est-à-dire que ils constituent de fait même par leur présence ce fameux trouble à l'ordre national, et il s'agit là de trouver une solution pour les concentrer sous le regard plus ou moins bienveillant d'un ensemble de gérants qui vont ensuite être dont les comportements vont être dénoncés au cours de cette mobilisation dans les années 70. Alors au début, c'est vrai, ces foyers qui sont construits à la hâte. D'ailleurs, c'est intéressant, au départ, au sein de la Sonacotral, donc préempte des terrains et fait construire des logements HLM, généralement des F6. Alors, dans les archives que j'ai pu consulter lors de mon travail de thèse, c'était dans l'idée précise que on pouvait accueillir des immigrés qu'on appelait isolés, c'est-à-dire célibataires, enfin faux célibataires, ils avaient une famille dans leur pays d'origine, et les héberger pendant un certain temps. Puis, une fois le projet migratoire achevé, eh bien, ces HLM redeviendraient reviendraient aux familles françaises. Parce qu'on est en plein baby-boom et qu'on pensait finalement que c'était une solution transitoire. Moyennant quoi, quasiment 70 ans plus tard, on a toujours ces foyers aujourd'hui. Oui, on les a toujours. Votre thèse que vous évoquiez, Choukri Med, c'est loger les étrangers isolés en France, avec des guillemets à isoler. Socio-histoire d'une institution d'État, la Sonacotra, 1956-2006. Oui, parce qu'ils traversent le temps, ces foyers, ils traversent le temps et le temps use ces bâtiments, use tout ce qui est mis à disposition de ces travailleurs, d'autant que rien n'est fait pour améliorer les situations. La direction de la Sonacotra affirme, je cite, « Il n'y a pas d'autre moyen que l'expulsion vis-à-vis de la collectivité appelée à solder ses comptes, comme vis-à-vis des 50 000 résidents qui continuent à payer leur loyer. Mais eux, les immigrés, ils parlent un autre langage. » C'est que sur une chambre de 6 mètres carrés, ils nous font payer environ 270 à 300 francs par mois de 6 mètres carrés. Nous, on appelle ça un cercueil. Ils construisent des foyers normalement avec des chambres de 12 mètres carrés. Ils mettent des contreplaqués. Le voisin qui est à côté, la nuit, il suffit qu'ils toussent. L'autre voisin est réveillé ou c'est pas mal. Il suffit qu'il vienne même en tournant sa clé là-dedans, l'autre il se réveille. On ne peut pas bouger. Moi je vous dirais franchement, si vous êtes fort, vous ne pouvez pas rentrer. Il y a un petit lit de 20 cm comme ça. Je vous dirais franchement, jamais le couverture même, il n'a jamais changé. Il n'a jamais lavé. Et s'il y a quelqu'un qui, par exemple, moi je suis malade, je sors dans le foyer Sonacotra, il y a quelqu'un autre immigré qui vient, il trouve la même couverture. En 1979, la première chaîne de télévision française s'intéresse à ces foyers. Alors, les conditions de vie, on les entend, c'est déplorable. Concentration de personnes et puis surtout, eh bien, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de soutien derrière pour améliorer ces conditions de vie. Mais Choukri Med, il y a un mouvement qui est évoqué dans cette archive, c'est que ces travailleurs immigrés refusent de payer. Oui, alors ce mouvement, il est beaucoup plus long, hein, puisqu'il naît en réalité dans le sillage de mai 68. Et précisément, juste après 68, on va avoir un ensemble d'hôtels garnis, d'hôtels dans lesquels il y a un ensemble de meublés, des dortoirs dans lesquels sont entassés parfois près de 200 hommes dans des chambres de 50 lits, et bien un ensemble de mouvements de refus de paiement des loyers qui vont s'appeler grève des loyers. Les premiers, par exemple, en 69, au cœur de Paris, dans la rue Mouffetard, dans un hôtel garni, et ensuite de manière perlée. Alors, ils contestent ces mouvements contestent deux choses. D'abord, les conditions très dégradées de logement, comme on l'a dit, la promiscuité, et puis bien sûr le manque d'entretien. Et aussi, ils contestent une deuxième chose qui n'est pas évoquée dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est la gestion paternaliste et autoritaire de ces foyers, parce qu'il faut dire que alors de ces logements, de ces foyers Sonacotra, parce que les foyers Sonacotra qui sont nés, comme je l'ai dit, au cœur de la guerre d'Algérie. Très rapidement, quand leur nombre va augmenter au tournant des années 60, eh bien, il va falloir les gérer. Et l'administration de la Sonacotra, qui va intégrer au sein de sa direction un ensemble de personnel qui vient de l'administration coloniale, ne va pas trouver mieux que recruter des anciens sous-officiers qui ont fait les guerres coloniales. Alors, c'est pas forcément dans une visée colonialiste, c'est une visée d'abord économique, qui coûte pas très cher parce qu'ils sont à la retraite, et puis deuxièmement, on dit qu'ils connaissent bien les populations, ils comprennent l'arabe, et puis souvent ils sont mariés à une femme qui est dans le social, infirmière, donc ils sont logés sur place, ils peuvent s'occuper, ils peuvent tenir ces hommes, c'est comme ça qu'on on les recrute, et ils tiennent des foyers de 300 voire 500 hommes concentrés dans un un seul bâtiment. Et donc cette gestion, ils vont développer au sein de ces foyers, au tournant des années 70, c'est 80% de ces directeurs de foyers qui viennent, qui sont anciens sous-officiers, qui ont fait leurs armes dans les guerres coloniales. Ils vont développer une gestion très paternaliste, très autoritaire, avec des interdictions assez arbitraires de discussions politiques, avec des interdictions de manifestations culturelles, un fort contrôle. Et c'est aussi contre ces foyers cercueils et ces foyers prisons, c'est comme ça qu'ils vont être appelés dans les années 70, que vont se rebeller une grande partie des résidents des foyers Sonacotra et autres. Nous avons évoqué les contextes politiques qui jalonnent cette histoire des travailleurs immigrés. On peut ajouter à cela le contexte économique, parce que ces années 1970 que vous évoquez, et notamment dans le cas de ces foyers, c'est aussi lié à un nouveau regard sur les travailleurs immigrés en raison de la crise économique. Oui, alors on connaît le totem de la crise pétrolière de 73. Hein. Ils ont du pétrole, nous avons des idées. Eh bien, ça se répercute sur la perception. On parle du problème immigré, mais aussi parce qu'on constate l'état de salubrité, de logement, des conditions de vie, de ces enfants qui courent les pieds nus dans la boue des bidonvilles. Et comme on n'avait pas prévu de les accueillir de manière définitive, on pose la question de leur retour. Et donc se mettent en place un certain nombre de politiques, notamment la plus connue, celle du million Stoleru en 78. Cette politique du 10 000 francs, comme dirait le film de Mahmoud Zemmouri, « Prends 10 000 francs et casse-toi », c'est une comédie algérienne qui met en scène le retour d'une famille et l'échec de ce retour en Algérie. Cette politique publique qui vise principalement les Algériens et les Maghrébins touchera surtout les Portugais et les Espagnols qui bénéficieront de cette politique. 10 000 francs, c'est à peu près un peu moins de 6 000 euros aujourd'hui, pour donner une idée à nos auditeurs du pouvoir d'achat que ça constitue. Et autant vous dire que ça ne suffit pas au retour, puisque beaucoup ont des enfants. Les pays d'origine ne les attendent pas les bras ouverts avec des logements, contrairement à ce qui a pu être dit. Et cette politique qui va d'abord être arrêtée avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 81 va être remise en œuvre par le pouvoir socialiste 2 ans après, jusqu'en 86-87. À peu près, on visait 1 million de retours, on a eu à peu près 100 000 retours. Et sur ces 100 000 retours, à peu près 20% d'entre eux sont des Maghrébins. Donc le résultat n'est pas celui escompté, cette politique n'a pas prise, mais elle dit beaucoup de ce que l'on pense de la place de cette immigration. Au début des années 80, c'est les premiers succès de l'extrême droite. Les slogans du Front National, c'est 1 million d'immigrés égale 1 million de chômeurs. Donc l'équation est vite vue. Et tout à l'heure, Choukri parlait des travaux de Sayad qui disait que immigrer, c'est immigrer avec sa culture. Choukri le rappelait, ce sont des hommes et des femmes de chair et de sang, même si là on a une approche genrée, puisque c'est beaucoup d'hommes seuls et de travailleurs immigrés, il y a déjà des femmes, et notamment dans les mouvements. Il y a aussi des femmes qui vont commencer à se constituer, je pense au collectif des femmes noires, qui très tôt, début des années 80, vont revendiquer un certain nombre de droits. Ça fait écho aujourd'hui aussi avec des mouvements plus proches de nous de femmes dans l'hôtellerie qui viennent de gagner des combats, notamment à Libye, Batignolles, concernant leurs conditions de travail. Donc si aujourd'hui les femmes sont plus présentes dans les mouvements portés par l'immigration en France, dans les conflits sociaux, à l'époque c'est vraiment un mouvement porté par des hommes qui sociologiquement sont l'écrasante majorité de ces travailleurs immigrés. Et d'ailleurs, les images et même la sémantique, si j'ose dire, c'est celle du travailleur qui est accolé à immigrer. Ils ne sont là que par leur force de travail et ne sont légitimes que par leur force de travail. Ces travailleurs immigrés deviennent des immigrés dans les décennies suivantes, mais ces bras, ces machines-outils que sont ces hommes, c'est leur seule validité, si j'ose dire, sur notre territoire. Et les politiques publiques vont transpirer de cela. On va passer de cette politique du retour à l'idéologie de l'immigration zéro qui va faire Flores dans les années fin des années 80, décennie 90-2000. Et on n'en est pas sorti aujourd'hui. Ce matin, j'ouvrais mon journal et je tombais sur un article concernant les métiers en tension et le sort des sans-papiers. À l'époque, on disait clandestins, etc. voyez, on est 50 ans après ce dont on parle, on est toujours dans cette hypocrisie de ce travail au noir, comme on dit, et de ces travailleurs, hommes et femmes, qui sont dans la clandestinité, ce qui a rangé le marché du travail dans les années 60 et 70. Et on retrouve ce phénomène encore aujourd'hui. Et, j'allais dire, l'extrême actualité des thématiques soulevées à l'époque par les travailleurs émigrés doit nous interpeller sur la reproduction. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de matrice. Je vous remercie. Oui, c'est très très important ce que dit Naïma. Ce qu'on retrouve dans le cas de l'immigration, c'est quelque chose qu'on retrouve à propos de beaucoup de problèmes sociaux, mais dans le cas de l'immigration, c'est décuplé. C'est-à-dire l'idée selon laquelle les pouvoirs publics, les hommes et les femmes politiques de ce pays, peuvent en parler, peuvent parler de ce problème, d'abord sans en connaître les tenants et les aboutissants et en disant toute une série de contre-vérités, d'énormités, parce qu'ils ne risquent pas grand-chose, étant donné que la plupart des immigrés sont des étrangers qui ne votent pas, et que ce sont des boucs émissaires qui, à l'occasion de chaque crise économique, comme vous l'avez dit, sont ceux qui vont payer les pots cassés et qui vont être désignés très vite comme les responsables, ceux qui n'ont pas à être là, ceux qui doivent endurer de nouvelles conditions de travail ou qui doivent être expulsés le plus rapidement possible. Et ça, c'est en fait, quand on regarde aujourd'hui le nouveau projet de loi sur l'immigration, on est vraiment saisi par ce qu'un de mes doctorants, Tanguy Levoyer, appelle dans sa thèse une étrange continuité en partie construite entre la gauche et la droite de gouvernement, ce consensus sur le fait que leur présence, la présence de ces étrangers est tout sauf quelque chose qui va de soi, que il faut absolument contrôler les entrées notamment les entrées qui proviennent du sud de la Méditerranée, que un immigré est finalement un délinquant en puissance, que ces personnes-là n'ont pas de culture, tout ce que Naïma a rappelé sur et ce que montrent ces mouvements en fait des années 70 jusqu'aux années 80, c'est exactement le contraire. D'abord, le fait que ces immigrés sont porteurs de culture et que même si c'est de culture populaire, en fait, c'est une culture vivante, une culture inventive, une culture raffinée, une culture créative. Mais effectivement, ce n'est pas une culture légitime et que jusqu'à aujourd'hui, les gouvernements de gauche comme de droite ne sont pas prêts à admettre comme faisant partie de la culture nationale. Donc c'est cette étrange continuité-là qui est quand même assez saisissante dans les solutions toujours plus répressives, mais dont on retrouve la matrice là aussi dans les années 70. Je veux dire, les circulaires qu'on a citées, Marcelin Fontanet de 72, elles disent exactement la même chose et le même esprit que ce qu'on entend aujourd'hui à propos du projet de loi. La direction, justement, 1972. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi relatif à l'électorat et à l'éligibilité des travailleurs étrangers comme membres des comités d'entreprise et comme délégués du personnel. Un projet de loi dont M. Joseph Fontanet, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Population, a expliqué l'esprit. Nous avons en France, vous le savez, 1 500 000 travailleurs étrangers salariés. Et jusqu'à présent, il n'était admis que sous certaines conditions, dans certaines limites, à élire les représentants du personnel dans les entreprises. D'après ce projet de loi, nous les rendons tous électeurs dans les mêmes conditions que les Français. Par ailleurs, les conditions qui étaient mises jusqu'à présent à leur éligibilité étaient encore plus restrictives que celles mises à leur accès à l'électorat. Nous supprimons également toutes les conditions de nationalité pour l'éligibilité. Donc, il y aura, si vous voulez, une égalité complète de droits entre les étrangers et les Français pour tout ce qui est de leur participation au comité d'entreprise et leur accès aux fonctions de délégués du personnel. En 1972, l'adoption d'un projet de loi sur le statut des travailleurs étrangers dans l'entreprise, c'est génial, Naïma Hubert-Yahi, parce que égalité complète, il le dit. Oui, ils ne s'en sont pas privés puisque... C'est intéressant de faire le lien à ce que disait Choukri sur la dimension culturelle. Cette loi et cet égal accès à ses fonctions, a permis, puisque dans certains lieux, je pense à chez Renault, on parlait de Renault tout à l'heure, les délégués du personnel vont devenir issus de l'immigration. Puisque 80% de la masse salariale est issue notamment du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. L'un d'entre eux, Mustapha Itbihi, qui est donc ouvrier chez Renault, va devenir l'un des plus grands producteurs de musique maghrébine en France. Il va fournir des plateaux d'artistes pour l'émission Mosaïque, puisqu'on parlait des politiques publiques, le Fonds d'Action Sociale va financer une émission, une antenne dédiée à l'immigration le dimanche matin à l'heure de la messe sur la troisième chaîne pour les cultures immigrées, yougoslaves, turques, maghrébines, même ultramarines, hein, on en débattra dans une autre émission. Et cet ouvrier de chez Renault va ensuite produire des disques, des concerts. Tout ça permettra à des artistes que connaissent nos auditeurs comme Idir, Mori Kanté, Salif Keïta et d'autres grandes figures des musiques du monde, comme on dit aujourd'hui, de faire leur première scène. Et c'est par les diasporas ouvrières dans le monde des comités d'entreprise que les semaines de l'immigration très... très populaires à l'époque, qui vont être financées par la Fondation Sociale, vont permettre à ces cultures de s'exprimer et d'être les premières scènes de ces artistes qui vont ensuite traverser le miroir. Donc on a vraiment une prise de parole et un pouvoir d'agir qui va se structurer par ces luttes. Pluralité des formes culturelles, bien sûr, et pluralité, à vous écouter, des formes de combat politique. Parce que qu'est-ce qu'on a évoqué? On a évoqué des grèves de la faim, des grèves de loyers, l'action syndicale aussi. C'est cette imagination politique qui est à noter pour ces combats des travailleurs immigrés. Elles peuvent prendre toutes les formes, en fait. Bah oui, je crois que Naïma a utilisé le terme l'arme des pauvres ou des faibles. Effectivement, la grève de la faim, c'est aussi une ultime violence contre soi-même, une mise en scène réelle de cette souffrance, exercée contre soi. Mais c'est toujours quelque chose aussi de très collectif. Et en fait, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce mouvement, et ce que je trouve passionnant à étudier, c'est ce miracle. Le social qui s'est produit dans les années 70 dans un environnement très mouvementiste, comme on l'appelait, post-68ard, où finalement l'immigration et les groupes sociaux immigrés sont allés aussi à la rencontre de militants français, pour la plupart de la gauche radicale, de l'extrême gauche, pas forcément communiste, et qui, à l'occasion de ces luttes, vont apprendre se connaître eux-mêmes, apprendre à connaître d'autres groupes sociaux, d'autres groupes immigrés, des Africains subsahariens rencontrant des Maghrébins, par exemple, des Maghrébins rencontrant des Portugais. Et ça, c'est précisément ce que le pouvoir ne veut pas. Et c'est en ça que ces mouvements qui ont émaillé donc toute la décennie 70 jusqu'au début des années 80, dont on trouve un prolongement direct dans la marche des beurs qui inaugure donc cette décennie 80, ils vont regorger de modes d'action différents, des manifestations, mobilisations ou des sit-ins, des occupations, des grèves de loyers, des grèves de la faim, des chansons, des pièces de théâtre, des émissions de radio. C'est en ça que effectivement il va avoir une espèce d'effervescence collective qui va casser véritablement le mythe d'une immigration silencieuse, taiseuse, docile, soumise, et qui va remettre en cause, effectivement, les pouvoirs en place. Et en 1983, il y a la marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors là, ça rend visible peut-être les choses aussi, même si c'était visible, il fallait juste le regarder. Oui, mais la difficulté, parce que je rejoins Choukri là-dessus, c'est que la movida culturelle des beurs, c'est comme ça qu'on l'a... On peut l'apercevoir, une espèce d'effervescence, un métissage. Le concept même d'interculturalité à la française, il va naître dans ces années 80. Mais la mythologie, c'est que ce seraient les premiers, ceux qu'on pourrait intégrer, ceux qui étaient plus proches de nous, contrairement à leurs parents qui avaient vocation à rentrer au pays. Quand les marcheurs de 83 vont fraterniser avec les grévistes maghrébins des usines Talbot, Poissy et Citroën, ça ne plaît pas du tout, au storytelling notamment de la presse de gauche, de dire qu'il y a un front commun entre la génération d'avant et la génération d'après. La question qu'on doit se poser collectivement, c'est l'incapacité à penser ces mouvements sociaux et ces luttes sur le temps long. Les mouvements et les travaux de Choukri l'ont démontré, les mouvements des foyers Sonacotra doivent beaucoup à l'héritage des militants du FLN. Les mouvements beurre doivent beaucoup à leurs aînés du mouvement des travailleurs arabes. Saïd Bouziri, avec lequel, puisque je ne l'ai pas dit aux auditeurs, mais j'ai eu le plaisir de travailler avec les membres du mouvement des travailleurs arabes au sein de l'association générique. Quand je l'ai interrogé sur le mouvement particulier de la marche dont on commémore cette année le 40e anniversaire de 83, ils étaient démunis quand on leur a dit à la chancellerie de François Mitterrand, vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Eux, ils ne savaient pas quoi dire, à part leur dire de ne pas nous tirer dessus. Ne nous tirez pas dessus, on est ici chez nous. Les grands frères leur ont glissé la revendication ancienne de la carte de résidence de 10 ans. C'est ça qui a été annoncé sur le perron de l'Élysée après la réception des marcheurs. Et ça a été mis en œuvre l'année suivante. Donc c'est là qu'il y a conjonction entre la génération du MTA et les marcheurs de 83. La nécessité du temps long pour comprendre les problèmes ou les réflexions, parce que ce n'est pas un problème en réalité, ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Merci vivement à vous deux, l'intérêt d'avoir des chercheurs, des historiens. Naïma Hubert-Yahi, hein, Université Côte d'Azur, et Choukri Med, vous c'est l'Université Paris-Dauphine. Et puis les ouvrages, hein, les vôtres et vos participations sont à retrouver sur le site franceculture.fr, le cours de l'histoire. Merci vivement à vous deux et on laisse la parole merci beaucoup. À un spécialiste de l'immigration aussi, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi la chasse aux renards a pacifié nos pulsions? Norbert Elias a montré qu'en Europe, le passage de l'époque féodale à l'état moderne a transformé les chevaliers en courtisans, ce qui a eu des conséquences décisives dans l'histoire des relations de pouvoir. La lutte ouverte, guerrière et violente, a été progressivement remplacée par une compétition mondaine pacifiée et réglée par l'étiquette de la société de cour. J'ai déjà abordé cette question dans l'une de mes chroniques, en évoquant le rôle qu'avaient joué les manuels de bienséance dans la diffusion des règles de politesse. Mais Norbert Elias a montré aussi l'importance des sports modernes dans le processus psychosocial qui nous a permis de maîtriser nos pulsions. Selon lui, la chasse aux renards a été, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, l'un des premiers et des principaux passe-temps que l'on peut considérer comme un sport. Auparavant, la chasse était réglée par les normes de la noblesse de sang. L'acteur principal était le chasseur, car la meute avait un rôle accessoire. Le but était de tuer n'importe quel animal susceptible d'être dégusté. La pratique de la chasse était perçue comme une sorte d'anticipation des vrais plaisirs qui consistaient à tuer pour manger. Lorsque la classe moyenne, dominée par la petite noblesse qu'on appelait la gentry, a conquis le pouvoir, elle a imposé un régime parlementaire qui ne pouvait fonctionner que si les élus contrôlaient leurs pulsions pour échanger des arguments et non plus des coups. Les gentlemen, c'est-à-dire les membres de la gentry, inventèrent de nouvelles règles dans le domaine de la chasse pour diffuser au sein de la noblesse ses comportements pacifiques. La chasse aux renards, qui consistait à suivre à cheval la meute des chiens poursuivant l'animal, a fait alors l'objet d'une réglementation très stricte. L'organisation des parties de chasse, le comportement des participants et même le dressage des chiens ont été codifiés, ce qui a permis de distinguer cette pratique des autres modes de chasse, notamment de la battue, très pratiquée en Europe de l'Ouest. Ce code de bonne conduite stipulait aussi qu'aucun autre animal que le renard ne devait être chassé et que la mise à mort ne devait pas être effectuée par les chasseurs mais par les chiens, ce qui signifiait que les participants n'avaient pas le droit d'utiliser des armes. Une autre norme impérative voulait que cette chasse soit dépourvue de tout but utilitaire. Il n'était donc pas question de manger du renard lors du festin qui suivait la partie de chasse. Ces règles mises au point par les gentlemen anglais suscitèrent l'incompréhension et les moqueries des chasseurs étrangers, notamment français. pourquoi se donner tant de mal à chasser cet animal que personne ne mange, hormis les pauvres en période de famine ? Pourtant, ces nouvelles normes ont introduit dans le milieu des chasseurs l'une des principales caractéristiques de l'éthique sportive. L'intérêt de cette chasse ne résidait plus dans la mise à mort et dans le festin qui suivait, mais dans le plaisir que procurait la compétition entre la meute et le renard et le suspense qui en découlait. Ce fut le point de départ de tous les sports que nous devons aux Anglais qui se sont développés à partir du 19e siècle. Merci beaucoup Gérard Noiriel, toujours aussi rusé. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Clara Galivelle, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Violette Ruiz, Mayouen Guizhou et Gillian Tilly. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Ils sont responsables d'actes violents, meurtres, tortures, exterminations. Christine Bernard. Une histoire particulière vous propose 8 portraits singuliers d'hommes et de femmes qui, comme le disait Primo Levi, n'étaient pas des monstres, ils avaient notre visage. Qui sont les criminels de guerre? Ce week-end, premier portrait, Joseph Mengele, l'ange de la mort. Une histoire particulière. Ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.